Le meilleur de la scène blues se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Bonsoir à tous et bienvenue dans la 121e édition du Blues Café Live. Bonsoir Cédric. Bonsoir Francis. Cédric, ils sont revenus nous voir un peu à l'improviste, il faut bien l'avouer. Et nous, eh bien, on aime ça parce qu'ils font partie de la famille, la grande famille du Blues Café. Il est vrai que nous avions un peu délaissé ces troublions pendant quelques temps. Ils étaient venus bousculer le Blues Café il y a... C'était en 2012, Francis. Ça fait loin, tu as la mémoire qui défaille. Ouais, ouais. Ils ont mûri depuis, toi aussi d'ailleurs, nous aussi tous. Et en incessante tournée, ils reviennent pour nous présenter leur nouvelle formule, toujours énergique et festive, parce que c'est ce qui les caractérise. Ils aiment faire la fête et ils la font en quartet cette fois-ci. Effectivement, et c'est une découverte. Voici donc, sur la scène du Blues Café, Jersey Julie, chant et saxophone. Olivier Mas, chant et guitare. Christian Bénard au clavier. Et Jimmy Daniel à la batterie. Mesdames et messieurs, le Jersey Julie Band. Ils font ce soir leur deuxième Blues Café, Jersey Julie Band, sur la scène du Millennium. Merci beaucoup, everybody. Merci beaucoup. Ça, ce soir, on jouait la chanson originale pour le prochain CD. Et le prochain CD est plein de blues, de funk, nouveau, original. Et ce soir, on choisit quelque chose de spécial pour tout le monde. Et j'espère que tu aimes beaucoup. Et je suis très contente pour jouer ici ce soir. Et, merci beaucoup pour être venu. Hein? Love beautiful. I'll spend L'ambiance va être chaude et festive ce soir au Millennium pour cette nouvelle édition du Blues Café Live. Nous sommes ici à l'île d'Abo et nous recevons ce soir Jersey Julie Band qui nous reviennent. Je le disais tout à l'heure, tu le disais Francis, ils étaient déjà venus nous voir ici. C'était en 2012. Voilà, on va parler, alors j'allais dire, de ce nouvel album, mais oui, un petit peu, puisqu'ils nous réservent l'exclusivité de ce nouvel album. Ils ont déjà joué quelques titres de ce disque qui n'est pas encore sorti. Voilà. On va demander à Olivier aussi. Jersey Julie est avec nous, on va demander à Olivier de nous rejoindre. J'ai besoin de mon groupe. Ma groupe. Hello. Hi everybody. Out there in Radio Land. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de vous revoir parce que vous êtes des nomades du blues. Hein. On a du mal à vous suivre dans les tournées incessantes que vous faites à travers le monde. Oui. Beaucoup en Suisse aussi. Uh-huh. Bon, en tout cas, on vous avait laissé en trio avec un contrebassiste. Et puis en 2010, il y a eu ce transfert musical, certainement le plus onéreux de la planète. Ah oui, il est à la musique ce que Neymar Junior était au football, je pense. Oui, absolument. Avec... en tout cas, il y a eu un transfert avec l'arrivée de Christian Bénard au clavier. Et il est toujours là en plus, c'est incroyable, hein, bravo, il est toujours avec vous. Comment ça s'est passé? Oh, papa Christian, oh. En Floride. Oh, est-ce que Christian à prison? Oh, oui, maintenant. You talk, tu parles hein, bien. Eh bien, avec Christian, on est amis de 20 ans, on se connaît du milieu du blues montpelliérain. Voilà, parce qu'il faut dire que Christian faisait partie d'un groupe qui avait plutôt bonne presse à l'époque, les Marvelous Pig Noise. Et quand je viens en France et qu'on commence à jouer un beat avec Olivier, il m'a dit mon favori musicien, c'est Christian Bénard. Ah, et bravo, voilà. J'aime beaucoup. Il m'a montré toutes les vidéos. Il dit quel soul, quelle personne, quel wow. Et maintenant, à force, je ne peux plus le blairer, tu vois. C'est juste une histoire de business maintenant. Bon, on demandera de toute façon tout à l'heure à Christian sa propre opinion. Peut-être va-t-elle être totalement différente de ce que vous venez de dire. Parce qu'en plus, j'ai appris qu'il ne se contentait pas de jouer du piano, il jouait les photographes aussi. Exactement, oui, le bel photographe. Hein. Je voudrais incorporer une exhibition avec notre concert. Et Christian pour faire plus l'exhibition avec le concert parce que la photo, c'est incroyable. C'est un exhibitionniste. Yeah. C'est comme nous, parce que ce détail, tu l'as pas, c'est un côté au Cap d'Agde, sur la murette de la plage de la Roquille. Tu t'en doutais pas de ça. On va continuer de parler un petit peu de l'évolution du groupe, puisque vous ne vous êtes pas arrêté à l'arrivée de Christian. Il y a également un quatrième larron qui vient d'arriver, qui s'appelle Jimmy Daniel. Il est américain et je crois qu'il a un beau palmarès derrière lui. Comment vous l'avez rencontré, lui aussi, pareil? Alors, tu nous le disais tout à l'heure un peu hors antenne, vous l'avez invité, je crois, aussi. Voilà, c'était une espèce de... On l'a rencontré en Sud Floride, hein, au Dania Beach Grill. You miss it, hein. Maintenant, tout le monde à Dania Beach, c'est dans le gymnasium de l'école pour le hurricane. Donc, tout le monde a le shelter. Oui, d'ailleurs ce Dania Beach Grill ne va plus exister d'ici quelques jours. Hein. Vous avez sauvé le sol d'énergumène de ce coin-là. Oui. Jimmy... Il n'y aura plus de problème pour la vendre, d'ailleurs. Jimmy jouait avec un ami de nous et de moi pour longtemps, et d'un super groupe au sud de Floride. Et on fait les amis vite, et juste une connexion. Et on dit, peut-être dans un an et demi, vraiment, on peut organiser une bonne tournée. Tu viens en France, payer le mieux un peu. Tu viens, tu fais un bon temps avec nous pour 2 mois. Et on verra après. And we organized ça. C'est une super bonne tournée. Après, Jimmy, je commence à habiter en France. Alors, justement, cette formule soudaine à quatre avec une batterie, qu'est-ce que ça vous apporte? Décupler l'énergie? Ça nous apporte plus de volume sur scène. Moins d'argent, puisqu'il faut diviser les cachets. Et non, ça dépend, parce que là, comme il y a deux Américains, les cachets montent. Oui, oui. Et Christian était moitié Américain, son père est Américain. Donc on est plus américain que français maintenant. Tu comprends? On partage tout. On montre. Comme on a bien compris que vous partagez tout. On partage. On vous fait... habitez un peu tous dans le même appartement et tout. Oh non, tout, non. Non, non, non. I mean, it's a un bon feeling. Jimmy, on fait le groupe grandit. C'est un bon feeling, la bonne idée, tout le. Parce qu'on fait une nouvelle CD. On répète un peu pour les idées. Les idées, c'est libre entre tous les quatre. Je suis un peu timide hein, ah oui, avec le microphone. Non, c'est vrai, je n'aime pas. J'aime plus le Broadway, like. Oh, la, la, la. Mais l'argent, ce n'est pas important. I mean, on fait bien entre les quatre. On grandit, on fait les idées entre pour grandir le groupe. L'album, vous êtes en train d'y travailler dessus. Vous faites cet album dans cette formule-là? Exactement. Tous les quatre? Oui, et aussi inviter une autre amie en basse pour quelques chansons. Un américain? Non, une septienne, une montpellienne. Voilà, Jersey et Julie Band, ils sont nos invités ce soir. C'est une expérience scénique, c'est aussi une expérience de les interviewer. On a l'habitude et on aime bien ça, c'est pour ça qu'on vous a réinvité. On va vous faire une petite pause musicale et je pense que c'est un morceau qui va vous faire plaisir. Le groupe s'appelle John Spare Band. Ils viennent de sortir un tout nouvel album, vraiment... très épicé, très Nouvelle-Orléanais, je ne sais pas si ça se dit, ça doit se dire. Et c'est un album qui est dédié à un événement qui a marqué le blues et qui est assez peu connu finalement. C'était un gigantesque incendie qui a eu lieu le 23 avril 1940 au Rhythm Club de Natchez et qui avait coûté la vie à plus de 200 personnes à l'époque, dont le musicien Walter Barnes, voilà, et son orchestre qui s'appelait The Royal Creolians. Donc cet album permet au moins de ressortir cet épisode triste de l'histoire du blues. Ça s'appelle Cheap Whiskey and Stale Cigarettes. I always find my way. retour ici au Millennium de l'île d'Abo avec Jersey Julie Band qui nous parle de leur dernier album qui s'appelle Goosebumps et du prochain qui sont venus nous présenter un peu en avant-première. Oui, et avant d'avoir un invité, là, dans quelques instants, Julie, tu peux reprendre peut-être le micro. Okay. On parlait de Jimmy, okay, qui est le dernier. Jimmy Daniel, qui est le dernier arrivé. Waouh, quel batteur! Oui. Ouh là là. Je crois qu'on peut applaudir Jimmy Daniel pour un moment. C'est un batteur exceptionnel. Et Julie, j'aimerais bien que tu nous dis justement avec qui il a joué déjà. Il doit avoir quand même une belle expérience pour frapper comme ça. Hein. Oui. Enfin, frapper, pas avant, toi. Avant, je veux juste te dire, je sens très fortuné. En chanceuse, oui. Parce que Jimmy veut jouer avec nous et donner beaucoup d'idées, de rythme, de love, d'amour à tout le toit. Donc, it's really lucky for us. It's very, very lucky. So, Jimmy... and expensive. He's very expensive. No. L'important c'est the feeling, the sentiment et tout. Mais Jimmy a donné ça libre. He's just give it. Mais l'expérience de Jimmy est jouer. Il commence à les âges 15 avec un groupe de rock très populaire aux États-Unis. C'est mon favori groupe quand j'étais jeune. C'est John Cougar Mellencamp. Ah oui. Yeah, like his little story about Jack and Diane. Too American, you know. Je danse quand j'étais 13 ans avec mon premier boyfriend, you know. Woo-hoo! Après, il a une grande expérience. Il est parti pour l'école Berkeley pour étudier bien la batterie. Et après, il jouait avec Bo Diddley, Chuck Berry, Aretha Franklin, beaucoup de tournées. Gil Gilberto, Johnny Winter, Les Paul. Jersey Julie maintenant. Jersey Julie. la liste c'est trop longue. John Osborne. Charlie's Good Tonight. Je pense que prochainement le groupe s'appellera Jimmy Daniels Band. Yeah, peut-être le nouveau nom c'est Jimmy Daniels Group. Alors Julie, tu ne fais pas que chanter, que parler, que souffler dans le saxophone. Tu es aussi maintenant une star de cinéma. En quelque sorte, parce que et là, on va passer le micro à un autre jeune homme, à Sébastien Lagrevol, qui fait partie de l'équipe TNBO Organization et qui sort un film, le second film, qui est une sorte de... Bah, tu vas nous expliquer de série de portraits. Et il y a un des portraits, justement, c'est Jersey Julie. Tout à fait. Donc du coup, pour replacer ça dans le contexte, rapidement, il y a donc Thibaut et Vincent, qui sont des habitués du Blues Café, qui font partie de TNBO, qui avaient travaillé sur un documentaire sur la musique blues, qui s'appelle To Me That's the Blues, il y a déjà quelques années. Et du coup, ils avaient envie de recommencer une nouvelle aventure. Et du coup, moi, j'ai rattaché l'aventure en cours de route. Alors, c'est pas un film, c'est une série, en fait. C'est une série d'épisodes de 13 minutes à chaque fois qui présentent... des bluesmen et des blueswomen. Voilà, le but, en fait, c'est de faire des portraits de personnes de façon un peu introspective et de nous expliquer de façon un peu intimiste leur rapport au blues. Alors, il faut préciser que, justement, Thibaut et Vincent ne sont pas là ce soir, justement, parce que c'est aussi en parallèle le lancement de cette grande série qui se profile. L'idée donc c'était effectivement de faire des portraits, je crois, avec une dimension particulière, c'est de faire des portraits aussi de femmes. Il n'y a pas que, mais il y a aussi, je crois, dans la série un certain nombre de femmes du blues. Il y a Jersey Julie, il y en a certains qu'on connaît bien aussi dans le Blues Café, Kyla je crois. Brooks. Kyla Brooks qui était venue à la Blues Party, Sophie Malbec également. Joyce Tappé. Et effectivement, alors... faut préciser quand même que cette première, c'est une première saison qu'on a fait, donc il y a 10 épisodes, et on les a fait aussi par opportunité. C'est-à-dire qu'on avait l'occasion de filmer des concerts, de rattacher des, de rencontrer des artistes à un moment donné. Donc du coup, on a profité de ces occasions pour faire des épisodes. Et à travers ces rencontres, se sont dessinées plusieurs thématiques. Donc effectivement, il y a eu aussi, on en était très content, une thématique un peu des femmes dans le blues qui s'est dessinée. Julie, comment ça s'est passé justement, ces portraits de toi dans cette série? Tu l'as vue? Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé? Je suis très honorée. I was very honored. Honorée. Et il dit une histoire à propos de moi très, très proche à mon corps. Il vaut mieux, c'est ton histoire. Et il fait les choses avec la caricature, le bande dessinée. J'ai plué un peu, I was proud. Et Thibault, le directeur, et Vincent, parce qu'il a vraiment dit, je voudrais dire ton histoire, et tout la passion, et je sens le blues, et je sens avec toi. He was very sympathique, très sympathique, and it was very beautiful moment. Il passait bien, hein? And I was happy. J'étais contente après. Alors ouais. Julie, il ne suffit pas de raconter ta vie, il va falloir aussi la chanter et la jouer sur scène. Ok. Donc on va te demander de rejoindre la scène, oui. On stage now. Et on rappelle le nom de la série Born to be a Bluesman. C'est une série que vous allez pouvoir notamment voir dans un certain nombre de festivals de blues. Et on espère peut-être bientôt à la télé et sur grand écran. Tout de suite sur la scène du Blues Café Live, avec peut-être encore quelques exclusivités sur le prochain album, il y a Jersey Julie Band. I'm not afraid to die. à une chanson que j'ai écrite pour ma première après-midi à New Orleans. C'était en 2010. Elle était sur le premier, album, mais on l'a refait parce que maintenant, je ne joue plus de guitare. Il y a le batteur qui est spécialiste des rythmes de là-bas. Et Christian aussi au piano, là. On va se régaler, vous allez voir. C'était une chanson, c'est une grande chance pour moi d'être là-bas, de vivre ce que j'ai vécu là-bas. C'était donc, ça, c'était normal. Elle s'appelle Great Chance, grande chance. Send me off alone for traveling too. My baby sent me off alone. Green chance for me. Going down in New Orleans. Great chance for me. My baby found me all alone. She was so proud of me. I went down to New Orleans, finally found my way. Thank you. Jersey Julie Band, ils sont en direct du Millennium de l'île d'Abo et on va peut-être demander à Olivier, Christian et Julie de venir, notamment pour parler de ce nouvel album. Et puis on voudrait aussi demander à Christian. Bonsoir. Christian Bénard, voilà, de nous rejoindre, puisque on avait bien à l'époque suivi cette belle aventure des Marvelous Pig Noise. Et on avait envie que tu nous en dises un petit mot et puis que tu nous expliques comment tu as rencontré ces drôles de saltimbanques. Ouais. Les Marvelous Pig Noise, c'est une histoire qui date maintenant. Ça a été une belle aventure qui a duré quelques années. Ouais, c'est vraiment des beaux souvenirs. Olivier, ça fait comme il vous l'a dit tout à l'heure, ça fait quelques années, Oui, mais entre ce que nous dit Olivier et ce que tu vas nous dire, il peut y avoir de grandes différences. C'est vrai qu'il est du Sud et que... On vérifie toujours ce que dit Olivier en général, il nous faut plusieurs, on croise les sources. Et c'est pas une légende, les gens du Sud exagèrent souvent. Non, ça fait longtemps qu'on se connaît et puis voilà, on joue depuis tout ce temps à Montpellier, enfin au travers de toutes les scènes blues... se trouver dans les alentours du Sud, de Toulouse, au Cap d'Agde, c'est ça? Mais Christian, entre Marvelous Pig Noise, que nous avions particulièrement bien aimé, parce que c'était une formule très originale à l'époque, hein, électroacoustique, vraiment, qui mélangeait pas mal de styles, et puis la formule beaucoup plus tonique et énergique du Jersey Julie Band. Tu as fait d'autres formations? Oui, j'ai fait une formation. D'autres expériences aussi? Oui. Avec deux amis, chanteurs, un guitariste, un percussionniste et moi au piano. On a fait un groupe qui s'appelait les Bayou Brothers. Voilà, c'était une histoire du Sud, du Deep South. Ouais, bah, c'était un peu plus sur des chants de Negro Spiritual. Voilà, entre un mélange entre le blues et le gospel. Il y a un fil conducteur entre tout ça, effectivement. C'est peut-être la musique de la Nouvelle-Orléans, finalement, entre les Marvelous Pig Noise qui étaient aussi bien inspirés de ça, l'expérience que tu viens de citer, celle avec Jersey et Julie, c'est quelque chose qui t'influence beaucoup. Bah, moi, ça m'influence parce que voilà, j'ai un peu de sang afro-américain qui coule dans mes veines. Et Berrichon aussi, donc vous voyez le mélange. C'est... Ah, ça, c'est les pires. Hein. C'est vraiment la terre, c'est bien. Et j'écoute cette musique depuis que je suis né, quoi. Donc forcément, je la joue facilement. C'est le premier son qui me vient, quoi. Mais après, je joue d'autres choses. Hein. J'aime la musique en général. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, ton transfert a été l'un des plus onéreux. Il a bien fallu que tu ne te contentes pas que de jouer du clavier, puisque je sais que dans la formation, tu es aussi photographe, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi ingénieur du son, producteur. Donc, c'est tout, tu fais tout. Qu'est-ce qu'ils font finalement après? Oui, ça, c'est des grands mots. Hein. C'est-à-dire que j'aime. J'ai du matériel, j'aime composer. Apporter mon aide comme ça, mon inspiration à d'autres musiciens. Et puis j'ai fait quelques CD comme ça, avec des artistes différents. J'aime ça. Mais autrement, je fais plus de la photographie que je ne produis des albums. Olivier, ce nouvel album, est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Alors, on a eu le plaisir d'en avoir un avant-goût. Ce soir, j'imagine que quasiment tous les morceaux que vous avez joués ce soir, peut-être pas le dernier, puisqu'il était sur l'album précédent. Mais si, parce que si tu avais écouté, je l'ai dit, on l'a refait. On l'a re-enregistré à une différente version. Oui, mais je ne savais pas que vous aviez osé le ressortir une deuxième fois. Et pourquoi ça, Mais si c'est complètement différent, pourquoi on ne le referait pas? Qu'est-ce qu'il va y avoir sur cet album, alors? Il y aura déjà ce qu'on a fait et plus d'autres. Des compos? C'est quasiment que des compos. Hein. Ouais. Je crois qu'il y a une ou deux reprises. Et c'est pas tout à fait fini, on doit le finir à la fin du mois. Là. D'accord. Et la sortie, elle est prévue pour? Si je le savais, tu vois, je serais moins con. D'accord. Non, peut-être novembre, je pense, décembre. Allez, pas plus tard que janvier. Bah, février dernier. Février, c'est bon, il sera là. Bon, Jersey Julie disait tout à l'heure que, évidemment, c'est une nouvelle formule, une nouvelle formation qu'on va retrouver intégralement dans ce nouvel album, mais qui aurait peut-être aussi des invités. Mais il y en a un bassiste. Oui, le bassiste. Qui était d'ailleurs, avant les Marvelous, il y avait une formule qui s'appelait Orange Blues, avec le batteur de Marvelous et le chanteur harmoniciste. Et c'était le bassiste de Orange Blues. C'est-à-dire que je l'ai connu il y a plus de 20 ans. Eric Chaussade. Vous avez tout récupéré, quoi. On a tout récupéré. On n'allait rien laisser. Pas une miette. Alors, pour terminer sur la scène du Blues Café, est-ce qu'on va avoir aussi le plaisir d'avoir encore un morceau et deux morceaux de ce prochain album? Oui, avec plaisir. Sweet Perfume. Attention. Ah bon? Sweet Perfume. Ça va être odorant. Ben, je peux pas. Je peux quasiment rien dire à part le titre, parce que c'est une histoire. C'est pas super. C'est prohibé, voilà. Bon. Prohibé, c'est le mot. Donc, c'est interdit de en parler. Merci, messieurs. On vous demande de regagner la scène du Blues Café. Sous les applaudissements du public. Jersey Julie Band, ils viennent de nous parler de cet album qui, comme vous l'avez compris, contiendra des titres, voilà, plusieurs visiblement, et dont on ne connaît pas tellement la sortie. Mais en tout cas, on l'attendra avec beaucoup de plaisir et on en parlera ici dans le Blues Café. Un grand merci pendant qu'il s'installe à toute l'équipe technique du Millennium, Gilles, Ludo et Seb. On remercie également la municipalité de l'île d'Abo qui nous permet de faire ces soirées ici en public. Vous pouvez retrouver toutes les dates sur le www.bluesactu.com. Bring on. meilleur de la scène blues se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. C'était Jersey et Julie Band ce soir sur la scène du Blues Café live. On remercie le studio Magneto qui assure le mixage de ces émissions. On remercie également T&Bo grâce à qui vous pouvez retrouver des vidéos sur notre chaîne YouTube. On vous donne rendez-vous sur le www.bluesactu.com et sur l'ensemble de nos radios partenaires. A très bientôt. Ciao, ciao. Et on laisse la scène à Jersey Julie Band pour un dernier morceau.